Après une nuit agitée, je n'avais qu'une idée. C'était de te parler. Mais quand il dormait à point fermé, je n'ai pas voulu te réveiller. Alors je suis parti, parti comme un homme pressé. Parti sans laisser d'adresse, comme un homme en détresse, avec un seul regret, regret, ne pas avoir eu le temps de m'expliquer, de m'expliquer. Je n'ai pas voulu te réveiller. Alors je suis parti, parti comme un homme pressé. Seul, seul, seul dans la nuit, la nuit, la nuit, comme un homme en détresse, avec un seul regret, regret, ne pas avoir eu le temps de m'expliquer.